Les médiocres se résignent à la réussite des êtres d'exception. Ils applaudissent les surdoués, les champions, mais la réussite d'un des leurs, ça les exaspère. Ok, v'là le MC au mic, considéré comme grave salace. Écarte ta femme ou tel un briquet avec mon bourrou. Je lui déclare ma flamme. Phrase et image est normale, j'ai une répute à faire marcher. Après une cuite, je te crache, je porterai de Sarko avec ma gère. Sur ce, ma frère, punchline impossible à détrôner. Je considère la chance comme une catin vu qu'on fait que me la dérober. T'inquiète, mano dans votre cas, nous on se tape pas des petites cuites. Ça serait improbable comme un cul de chat poursuivi pour délit de fuite. Ok, t'es pris de panique, tel un cambrioleur quand t'as une sirène. Ouais, on n'est pas brancardier, mais on fera repartir en civière. On se met là la tête tous les soirs. Le lendemain, me rosette dans l'escouade. Mal escouade, tellement je traque, on reste bloqué dans l'escale. Toi sur le beat quand je me déchaîne, je fais trop mal. La déflagration sera-t-elle un feu de palette derrière un pétomane? Nos sons décoiffent quand tu les écoutes, t'en perds tes cheveux. Car la galère nous pousse à gratter nos potes comme si c'était la française des jeux. Après avoir mis la prod à la main, j'ai plus qu'à lui cracher au cul. Arrêtez de faire les mecs à la mode, car toutes vos sacs viennent du marché au bus. Mano DVK, même si trop vent t'as rendu trop. Chaque soir on se perd dans l'ivresse, tel un provincial dans le métro. C'est juste un pack issu d'une soirée, un freestyle entre potes. Donc t'as senti l'impact quand sur le beat, les montagnes s'entrechoquent. Mano DVK, même si trop vent t'as rendu trop. Chaque soir on se perd dans l'ivresse, tel un provincial dans le métro. C'est juste un pack issu d'une soirée, un freestyle entre potes. Donc t'as senti l'impact quand sur le beat, les montagnes s'entrechoquent. Là le MC pas le galap qui vient de Paname, pas du Guatemala. Normal quand t'as le timbal que je veux trimballe, tout le monde croit que t'es malade. Quand je fais ma ronde la nuit, j'ai cette vision panoramique. Je suis pas parano l'ami, j'ai ma potion à la panoramix. Quand la machine s'enclenche, normal que tout est gâté saut. Quand tout est gradé saut, tellement tu mouilles, t'as un dégât des eaux. Prends tes jambes à ton cou, moi je veux prendre celle de la femme à 40 bœufs. Pas d'ouverture d'esprit, j'ai déjà la prose qui fend ton crâne en deux. Je vois que la vie m'échappe, c'est chème, c'est le choc normal. Si je décède, dès je brise des chaînes, de ces signes d'échec. Quand des MC signe d'échec, ce sont des boîtes comme Playmobil, assez morbide. Quand je possède la victoire, range tes Lego. Allez, let's go, en avant les histoires. Ce soir, t'as reçu le message d'un accompli, c'est tout. J'assume juste une passion, vous dites que je pompe, mais les groupes, c'est vous. J'ai pas l'allure d'une star, donc j'avance dans la douleur du stagne. Tombé dans l'embuscade, moi je suis plus pisse que la couleur du sky. Mano DVK, même si trop vent t'as rendu trop. Chaque soir on se perd dans l'ivresse, tel un provincial dans le métro. C'est juste un pack issu d'une soirée, un freestyle entre potes. Donc t'as senti l'impact quand sur le beat, les montagnes s'entrechoquent. Mano DVK, même si trop vent t'as rendu trop. Chaque soir on se perd dans l'ivresse, tel un provincial dans le métro. C'est juste un pack issu d'une soirée, un freestyle entre potes. Donc t'as senti l'impact quand sur le beat, les montagnes s'entrechoquent. Frappe comme une injustice. Je suis sûr que vous avez reçu des lettres anonymes. Oh, pas plus que d'habitude, non. Non, enfin, pas beaucoup plus.